s'appelle Ignace. Une limace rencontre un escargot. Elle lui répond: moi je m'appelle Margot. Ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa, ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa. Puis l'escargot invite à la limace: viens donc chez moi pour manger une glace. Puis l'escargot invite à la limace. Elle répondit: je préfère la ligot. Ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa, ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa. Un escargot rencontre une limace. Je m'appelle Ignace. Une limace rencontre un escargot. Elle lui répond: moi je m'appelle Margot. Ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa, ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa. Puis l'escargot invite à la limace: viens donc chez moi pour manger une glace. Puis l'escargot invite à la limace. Elle répondit: je préfère la ligot. Ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa. Ton navire abatatsa, c'est la bestia. Ton navire abatatsa.